Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On passe la prochaine heure, comme à l'habitude, avec plein de bonne musique en téléchargement gratuit. Vous avez juste à vous rendre sur le site de Web Musique. C'est au www.webmusique.ca. Donc, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez télécharger les pièces et les albums au complet. Tout ça vous est offert, donc, gratuitement. Souvent, c'est des albums qui sont sous licence Creative Commons. Donc, ça veut dire que vous pouvez donc télécharger les pièces, les remixer si vous voulez et vous les partager simplement avec sous les mêmes licences. Puis, donc, il n'y a pas de problème. Donc, cette semaine, on va débuter avec Aramaki. Je vous fais entendre sa pièce, mon Dieu, c'est une suite de lettres et de numéros. Je pense que je vais laisser faire. C'est tiré de son album WSOL. C'est donc sur l'étiquette russe Mix Galaxy Records. Ensuite de ça, sur l'étiquette française Vatican Records, je vous fais entendre Three Planetary. C'est tiré de son album I Dreamed You Were the Sky and I Was Inside You. C'est la pièce Sex. Donc, c'est ça, on débute avec Web Musique, avec ces deux artistes-là, puis je vous reviens tout de suite après. fucking. C'était donc l'excellent Tree Planetary. Son album est vraiment, mais vraiment excellent. Je vous invite à le télécharger. Son album s'intitule donc I Dreamed You Were the Sky and I Was Inside You. Avant ça, on avait débuté donc Web Music avec Ara Maki. C'était donc sur l'étiquette Mix Galaxy Records. C'était tiré de son album WSOL. On poursuit, nous, avec le Perche-Oreille. C'est tiré de son album Contes et histoires grésillantes. Je vous fais entendre sa pièce Epo Mega. C'est sur l'étiquette Pavilion 36 Recordings. Puis, ensuite de ça, tout de suite après le Perche-Oreille, ça va être Grise avec sa pièce Better Than I've Ever Been. Vous allez voir, vraiment excellent. Thank you.

forget your smile. The way we cling when we danced a while. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous êtes à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. On vient tout juste d'entendre une pièce de Grizz. C'est la pièce intitulée Better Than I've Ever Been. C'est tiré de son album Mad Liberation. Avant ça, sur l'étiquette Pavilion 36 Recordings, c'était la pièce Epomega par le Perche-Oreille. C'était tiré de son album Contes et Histoires Grésillantes. On poursuit avec Blue Stally. Je vous fais entendre la pièce Atom Smasher. C'est sur l'étiquette Fixed. Ensuite de ça, c'est Latepa avec sa pièce Good Morning. C'est sur l'étiquette Technique. the universe. Lightness. CKRL, image of mystery. Québec. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au Poble d'Orsay, au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Travail, amis, famille, sortie, ça fait beaucoup à jongler en même temps. Mais des balles, des quilles, des torches enflammées, c'est bien plus divertissant. La 8e édition du TurboFest se tient du 2 au 5 janvier prochain à l'École de cirque au 752e avenue. Pour l'occasion, des jongleurs de calibre international vous en mettront plein la vue. Trois spectacles à ne pas manquer. Le 3 janvier à 23h, CKRL présente le Renegade Show. Le 4 janvier à 20h, le Turbo Show. Et le 5 janvier à 20h, les Parfaits Inconnus à la salle Sylvain Lelièvre. Pour plus d'informations, visitez turbo88.com. En cette période enneigée et festive, ponctuée de célébrations, de retrouvailles et de bons moments passés en famille, Michel Landry, propriétaire de la maison thaïlandaise, tiens à souhaiter à tous les auditeurs de CKRL un temps des fêtes qui saura vous emplir autant de bons souvenirs que d'excellente nourriture. Et que l'année 2014 soit parsemée de bonnes bouffes entre amis. Joyeux temps des fêtes de la maison thaïlandaise, cuisine royale pour votre palais. Québec, Cap-Rouge et Charny. MaisonThaïlandaise.com. CKRL. De retour à Web Music. Donc, tout juste avant la pause, on entendait La Tepa avec sa pièce Good Morning. C'était sur l'étiquette Tech Nick. Tech s'écrit T-E-Q-U-E avec un tiret N-I-Q-U-E. Donc, avant ça, c'était Blue Stally avec sa pièce Atom Smasher. Ça, c'était sur l'étiquette Fixed. On poursuit avec quelque chose publié sur Phantotom, une défunte étiquette malheureusement qui a été reprise par Human Workshop. C'est donc Sound Divisor, je vous fais entendre sa pièce Teufelsburg, c'est tiré de son album Radar Station 2. Ensuite de ça, du Québec, les valeureux À la claire ensemble avec leur pièce Jean-Claude Van Damme, c'est tiré de leur plus récent album, Les Maigres Blancs d'Amérique du Noir. Donc, un album à télécharger, je vous le recommande chaudement. On écoute tout de suite Sound Divisor à Web Music. Yo, hey. Une gang de buddy. Flash sur le Roberto Money Bank. Tu vas prêt à brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, René le rangé. Tu ne crois pas dans l'aile, on est arrangé. Tout ce produit, produit d'inferme. On garde ce sale, on est vissé d'un germe. Une gang de chummy qui bouge en buddy. Mandakin ne veut Bud Light, no crayon muggy. C'est l'OPN Cantaloupe, raisin pour les invités de l'autre bar. Toast, le ressort de ce ce corps. De body qui ressent ce corps, de ressent ce fort. Gang de body, t'inquiète, on est up et ben fresh. Ça c'est pas des quintettes, produit fuck et ben red. Porte un studded bracelet, fucking body d'un depth. M'en va fouetter ton jet et comme un gorillé. Sans pépé d'inspect, sans bouger tes insectes. Instinct de brasser, divisé par le carré. Mauve pour la cause, très boss, fait vraie chose. Cette merde de rap, je m'en la mets. Gang de buddy, flash sur le Roberto Money Bank. Tu vas pas te brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, venez le ranger. Tu ne crois dans l'aile, on est arrangé. Gang de buddy, flash sur le Roberto Money Bank. Tu vas pas te brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, venez le ranger. Tu ne crois dans l'aile. Don't fuck with Jean-Claude Van Damme. L'argent du boy est le premier, sans faute sa table. Partage avec la gang de chums. C'est comme ça quand tu fais bombe avec des bonnes personnes. Ça fait des bombes quand on la split toute. Ça donne chacun son petit bout de pomme. It's all good, son. Combat, merde, explosion. Lyrical, digital, produit le dimanche. Tout pack. Clonk, clonk, péché, péché, clonk, péché, pichon. Clonk, Van Damme dans un ring avec une grille. Damn, qui c'est qui va gagner? Je mets mon cash sur clonk parce que c'est mon chou. Bros, mais pas de con, pas de rap. Engagé, mais tu peux nous engager pour faire du rap. On peut parler business. Ministère des Finances, on t'en passe une petite vite. Ben organisé, la gang de chop qui vient de set. Ben red, bec sucré, on va get le cream. Pas juste le bread, mais en gang, non, sain. Ok, ok. Des fois je sais pas si je me file moi-même. Comme un sandwich vivant, je me grill moi-même. I regarde dans le miroir pour je me chill moi-même. Je me check dans le voir pour me feel moi-même. Un hot feel avant que comme ça pile de même. Faut que tu chill, Watt, ça n'aura rien à cuire de même. Une bitch qui me pimpe comme un vil requin. Better not get it twisted, she's still the same. Mon une gang de buddy. Flash sur le Roberto Money Bank. Tu vas pas te brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, venez le ranger. Tu ne crois dans l'aile, on est arrangé. Gang de buddy. Flash sur le Roberto Money Bank. Tu vas pas te brûler tout le perp money. La feuille à l'envers, venez le ranger. Tu ne crois dans l'aile, on est arrangé. C'était donc À la claire ensemble avec leur pièce Jean-Claude Van Damme. C'était sur leur album Les Maigres Blancs d'Amérique du Noir. Donc avant ça, c'était Sound Divisor avec sa pièce Teufelsberg. On poursuit avec Option Command. Je vous fais entendre sa pièce 3000 Clones. C'est sur l'étiquette King Deluxe, une excellente étiquette qui nous vient de la Colombie-Britannique, anciennement appelée Papermill Records. Donc, c'est ça, je vous fais entendre cette pièce-là qui est tirée de la compilation King Deluxe Present Year 2. Une excellente compilation, donc, qui peut vous donner une bonne idée des albums publiés sur King Deluxe. Tout de suite après, ça va être Bad Gibbons avec sa pièce Metone. C'est sur l'étiquette Subwise. Donc, on écoute ces deux pièces-là à Web Music. Thank you. C'était Bad Gibbons avec sa pièce Methone. C'était sur l'étiquette Subwise. Avant ça, c'était Option Common avec sa pièce 3000 Clones, publiée ça sur l'étiquette King Deluxe. On poursuit avec un artiste publié sur l'étiquette Dead Knife Records. C'est Deadskin. Je vous fais entendre sa pièce They'll Be Dead By Tonight. C'est tiré de son album Dead Is Like Being Alive. Donc, beaucoup de Dead dans cette pièce-là. Ben c'est ça, on écoute ça, puis je vous reviens tout de suite après. Destruction. C'était donc Dead Skin avec sa pièce They'll Be Dead By Tonight. C'était sur l'étiquette Dead Knife Records. Ça va déjà être tout pour Web Music. On va se quitter sur une dernière pièce. Avant, je vous rappelle de vous rendre au www.webmusic.ca pour consulter la playlist de l'émission et donc télécharger les pièces de façon gratuite et légale. Restez à l'écoute de CKRL tout de suite après, c'est Cabaret Diaspora avec Jean-Baptiste Hervé. Ça va être une rediffusion de l'émission du 22 décembre, donc restez à l'écoute. Donc, on va se quitter sur une dernière pièce de Electronic. C'est sur l'étiquette japonaise Mimi Records. Je vous fais entendre la pièce Libérer le monde. C'est tiré de l'album du même nom. Donc, c'est ça. On se quitte là-dessus. Puis, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour une autre émission de Web Music.